بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes sans postérité.